السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous poursuivons l'étude des règles relatives au mariage en islam. Et lors du dernier cours, nous avons mentionné des femmes qui sont interdites au mariage. Dans les cours précédents, on a vu que ces interdictions étaient de deux types. Il y a al-muharramat ila abad. Il y a également al-muharramat ila amad. Il y a donc les femmes interdites à vie à tel homme. Quelles sont les causes qui peuvent rendre une femme interdite à un homme? Combien y a-t-il de causes et lesquelles? Qu'est-ce qui répond à cela? Durant le cours, je poserai moins de questions. On va faire une révision afin d'avancer et d'écourter la durée du cours. Donc, quelles sont les causes qui rendent interdite la femme à l'homme? Naam. Al-nasab. Donc, il y a la lignée. Par exemple, sa mère, sa sœur, sa tante. Voyez, une deuxième cause, al-mula'ana. Une troisième, ou la troisième, comment, al-rida', na'am, l'allaitement. Et enfin, la quatrième, lorsqu'il y a un mariage, al-musahara. Na'am, c'est dû au lien d'alliance. Puis on est passé au chapitre al-muharramat ila amad. N'est-ce pas, la semaine dernière on a étudié cela. Donc les femmes qui sont interdites pour un temps déterminé. Il y a, on en a mentionné trois. Qu'est-ce qui nous les rappelle? On en a mentionné trois. C'est-à-dire les femmes qu'il n'a pas droit d'épouser pour un temps déterminé, et cela dû à une cause particulière. Comment? Non. La sœur de sa femme. Non. S'il est marié avec une femme, tant qu'il est marié avec cette femme-là et qu'elle n'a pas terminé sa idda, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Donc la femme et sa sœur, ça c'était le premier cas. Quel était le deuxième? Non. Non, ça c'est ma classe dans le chapitre précédent. Donc, la fille et sa tante paternelle, ou son épouse plutôt, et sa tante paternelle. Et enfin, la troisième, son épouse et sa tante maternelle. Quelle est la particularité de ces trois femmes? La sœur de son épouse, la amma, El-Khala, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir ses épouses-là en même temps. Il n'a pas le droit d'avoir ses épouses-là en même temps. Tant que il n'a pas divorcé cette femme, elle n'est pas décédée, tant que elle n'est pas sortie de sa idda, il n'a pas le droit d'épouser une de ces trois personnes qu'on a mentionnées dans le cours passé. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit « وَأَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » Il nous interdit d'unir entre eux deux sœurs. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا » Taïb, à partir du moment où il n'a pas le droit d'épouser deux sœurs, à supposer que dans un autre pays, le père dise au prétendant, Zawajtuka bintay hatay, je te marie mes deux filles que voici. Quel est le jugement du mariage, du akd? Quel est le jugement de ce contrat de mariage? Il est batil, il est caduc. Il est caduc. Naam, il n'est pas valable. En plus du fait que ça ne soit pas permis, dans le cas où cela se déroulerait comme mentionné ici, le mariage ne serait pas valable. Dans le cas où il y en marie une et après une autre, quel est le jugement de ces deux mariages? Naam. Le deuxième est batil. Et qu'en est-il du premier? Le premier est valable. Et le deuxième sera batil. Naam. On va passer à d'autres catégories de femmes que la personne n'a pas le droit d'épouser pour un temps déterminé. Et cela pas parce qu'il est marié avec telle femme, comme c'était mentionné en cours précédent. La sœur de l'épouse, la tante de l'épouse paternelle, la tante de l'épouse maternelle. تحرم المعتدة من الغير أي من غير الزوج. Parmi les femmes qui sont interdites au mariage, c'est la femme que l'homme a divorcée, mais qui est encore dans sa période de vie d'unité. Est-ce que c'est compris? Al-Mu'tadda, c'est celle qui observe une période de vie d'unité. Donc l'époux l'a divorcée. Il lui a dit « Anti talib » ou « Je te divorce ». Mais elle n'a pas fini sa période de vie d'unité. Est-ce que cette femme-là est licite au mariage pour autre que cet époux-là? Est-ce qu'il a le droit de la demander? Non. Donc elle n'est pas licite au mariage. Non, personne n'a le droit de la demander. Mais l'époux lui-même, sauf si c'est le troisième divorce, il peut la reprendre. L'époux lui-même, sauf si c'est le troisième divorce, peut la reprendre. Reste à savoir quelle est la période de viduité de la femme divorcée? Non. 3 mois si elle n'est pas enceinte. 3 menstrues. Non. Si elle est enceinte, la fin de son accouchement. Quand elle accouche, pendant qu'elle accouche, ça arrête, s'arrête. Quand elle commence à accoucher, sa règle s'arrête. Ou lorsque l'enfant est sorti, la règle s'arrête. Lorsque l'enfant sort. Voyez, dans le cas où elle n'est pas enceinte, qu'est-ce que tu dis? 3 menstrues. Dans le cas où elle n'a pas de menstrues. Voyez, notez, la règle de la femme divorcée, dans le cas où elle n'est pas, ou dans le cas où elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Que ce soit 3 mois, que ce soit plus, que ce soit moins. Même si c'est 1 semaine. À partir du moment où elle a accouché, sa idda s'arrête. Se termine. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ulati al-ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahum » Quant à celles qui sont enceintes, leur délai est qu'elles accouchent. Leur délai est qu'elles accouchent. Donc peu importe que ce soit 8 mois, que ce soit 3 mois, que ce soit 10 jours, peu importe. À partir du moment où elle accouche, sa idda se termine. Le deuxième cas, elle n'est pas enceinte et c'est une femme qui a des menstrues. À ce moment-là, c'est 3 périodes menstruées. Une fois que la 3e menstrue se termine, sa période de viduité se termine. Et d'autres parmi les savants ont comptabilisé différemment. Thalathata quru. Donc 3 périodes menstruées. Le 3e cas, elle n'est pas enceinte, mais elle n'a pas de menstrues. Certaines femmes n'ont pas de menstrues, pour raisons diverses. Elle, ça sera, où on va, dans ce cas-là, on ne dira pas pour raisons diverses, mais on dira certaines femmes n'ont pas de menstrues. Comment est-ce qu'elle fera? La femme comptera 3 mois. Dans ce cas-là, elle comptera 3 mois. Notez dans Surat al-Baqarah, verset 235. وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Aussi une correction, la semaine passée, on a mentionné 2 versets dans 2 sourates différentes. Al-Isra et une autre. Et j'ai dit que c'était le même numéro. Mais c'était une erreur de ma part. Il me semble que c'était le verset Wala taqrabuz zina et ça n'était pas le verset 22, mais 32 ou une chose approximative. Il y a une chose dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, je me suis trompé et je corrige ici. Et juste pour augmenter nos connaissances, Al-Mu'tadda est de 3 sortes. La femme qui est dans une période de viduité, elle l'est pour l'une de 3 raisons. Ou bien l'est et à un de ces 3 jugements. Premièrement, radi'iyya. Elle est dans une période de viduité. Radi'iyya, c'est-à-dire que son époux peut la reprendre. Sans contracter à nouveau un mariage, sans donner une nouvelle dot, sans avoir besoin de l'autorisation du père, et ainsi de suite. Donc elle est toujours l'épouse en réalité. Naam, tant que la période de viduité n'est pas terminée. Donc il peut la reprendre. Par une parole ou par un rapport ou autre. Le deuxième cas, al-ba'ina, min ghayri thalath, celle qui est séparée de son époux parce qu'il l'a divorcée et que la période de viduité est terminée. Donc il l'a divorcé, la période de viduité est terminée. Fabanat min, donc ça n'est plus son épouse. Dans ce cas-là, du fait qu'il ne l'a pas divorcé 3 fois, mais moins, est-ce qu'il peut se remarier avec elle ou non? Oui, il peut se remarier avec elle, mais bi'aqdin jadid, avec un nouveau mariage et ses conditions. Permission du père, la dot, 2 témoins, naam, son approbation à elle. Le troisième cas, elle ba'in bithalaf, celle qui n'est plus son épouse, qui a fini sa période de viduité, naam, et c'est le troisième divorce, c'est la troisième fois qu'il la divorce. Est-ce que il peut à nouveau l'épouser? Est-ce qu'il peut à nouveau l'épouser? Il est obligé d'attendre qu'elle se remarie et ensuite, il la redemande en mariage. Si elle se remarie, comment elle va la demander en mariage? C'est aussi compliqué que la situation, ce que tu décris là. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous en préserve. La réponse, il ne peut pas l'épouser. S'il l'a divorcée 3 fois, elle ne lui est plus licite. Tant que elle ne s'est pas remariée, que l'homme n'a pas consommé le mariage, et ensuite, on décrète une séparation. Soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il l'a divorcé. Non. À ce moment-là, il peut la redemander en mariage. À ce moment-là, il peut la redemander en mariage. Donc ici, le point à retenir, c'est que est interdite au mariage la femme qui est dans sa période de viduité. L'autre cas, tahrumu al-mustabra'atu min ghayr. Parmi les femmes qui sont interdites, celles qui doivent attendre une période menstruelle. Mais le but, c'est pas la idda, c'est pas comme une idda. Certes, il y a un délai, mais la raison n'est pas la même, la sagesse n'est pas la même, la noblesse n'est pas la même. Elle va juste attendre un petit délai pour une sagesse. Passé ce délai, elle peut être demandée en mariage. Passé ce délai, elle peut être demandée en mariage. Quelle est la sagesse? Quel est le but? C'est de voir qu'elle n'est pas enceinte. Donc, une seule période menstruelle suffit. Ce qu'on appelle istibra ou rahim. C'est pour voir que elle ne porte rien en son sein. C'est pour voir que elle n'est pas enceinte. Un exemple, al-mukhala'a. Celle qui a demandé l'annulation du mariage, celle qui a demandé le khul'a, après cela, elle n'a pas de idda observée. Elle n'a pas de période de viduité, mais simplement une période menstruelle. Mais simplement une période menstruelle. Uthman ibn Affan radiallahu anhu al-Khalifatu al-Rashid a jugé ainsi pour le cas de celle à qui on a donné le khul'a, l'annulation du mariage, une période menstruelle. Et il a dit hadi sunnatu nabiyikum. Il a dit radiallahu anhu que c'est la sunna de votre prophète. Et c'est rapporté par Nasa ibn Majah. Selon la fille de Mu'ad radiallahu anhu ma. Et il y a d'autres exemples. Parmi celles qui sont interdites au mariage, az-zaniyat, la fornicatrice hatta tatoub. La fornicatrice jusqu'à ce qu'elle se repente. Et pareillement pour elle, il y a istibar rahim. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se remarier directement. Elle doit attendre une période menstruelle et on voit qu'elle n'est pas enceinte. Et dans le cas où la fornicatrice, i'adhan billah, est enceinte, est-ce qu'elle peut se marier? Un mois après, est-ce qu'elle peut se marier? Non. Et dans le cas où celui qui l'a mis enceinte l'épouse directement, est-ce que le mariage est valable? Non. Donc dans le cas où elle est enceinte, c'est comme les autres femmes qui sont enceintes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le délai jusqu'à ce qu'elle accouche? Retenez ici seulement que parmi les femmes qui sont interdites au mariage, est Zania, la fornicatrice. Fornicatrice, c'est celle qui a des rapports sexuels sans être mariée avec l'homme. Donc, pour pouvoir l'épouser, il faut qu'elle se repente. C'est-à-dire qu'elle délaisse ce péché, elle cesse, elle regrette. Elle a fait intention de ne plus retomber dans cela. Elle fait les causes pour ne pas retomber dans cela, et ainsi de suite. Celle-ci se repent et elle laisse passer une période menstruelle. Une fois ses menstrues terminées, si elle a fait un réel repentir, elle peut à nouveau être demandée en mariage. Mais elle n'a pas de hit. Allah Azza wa Jal a interdit cela aux croyants. Parmi celles qui sont interdites au mariage, celle qui est interdite à son ancien époux parce qu'il l'a divorcée pour la troisième fois. La quatrième catégorie, تحرم المطلقة أو مطلقة الرجل ثلاثا حتى يطأها أو يطأها زوجا أو زوج غير. La femme que l'homme a divorcée pour la troisième reprise lui est interdite. Elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle se remarie ou bien jusqu'à ce que consomme le mariage un nouveau mari. S'il y a le contrat de mariage qui est fait et ensuite il la divorce ou il décède, alors elle ne peut pas revenir au propre. La condition, c'est réellement la consommation du mariage. Il faut qu'il y ait un rapport avec elle. Dans le cas où le mariage est fait, mais sans wali, dans le cas où le mariage est fait, mais il n'y a pas eu l'approbation du père, plus tard il y a un divorce, est-ce que le premier peut l'épouser à nouveau? Non. Donc notez qu'on conditionne que l'acte soit sahih, que le mariage soit authentique, valable. Si le mariage n'est pas valable, alors il n'y a pas les conséquences. il n'y a pas les conséquences. Et sort particulièrement de ce jugement le mariage qui est contracté avec l'intention de la rendre licite à nouveau pour le premier. C'est-à-dire, c'est organisé en avance. L'homme vient et on lui dit, tu vas l'épouser, tu vas consommer le mariage et tu vas la divorcer à telle date. Ou tu la divorceras pour que elle puisse revenir à son premier mari. Même s'il y a consommation du mariage, elle n'est pas licite au premier. Elle n'est pas licite au premier. Et ceci est un grand péché. Ceci est un grand péché. Al-nikah bi niyati at-tahlil, c'est haram. Le fait d'épouser une femme pour la rendre licite à un époux qui l'a divorcé à trois reprises, c'est un acte qui est grave ici. C'est un acte qui est grave ici. Et la preuve de cela est le hadith de l'histoire de Rifa'a. Le hadith de l'histoire de Rifa'a. Et cette histoire, c'est que Rifa'a, radiallahu anhu, a divorcé son épouse. Par la suite, Abdurrahman ibn Zubayr Al-Quradi, elle l'a épousée. Cette femme-là, qui avait été divorcée par Rifa'a et épousée par la suite par Abdurrahman ibn Zubayr, est venue voir Aïcha radiallahu anha pour se plaindre de son époux, Abdurrahman. Et elle lui a montré comme un bleu sur son corps pour dire qu'il est violent. Et Aïcha a dit les femmes se défendent les unes les autres. Elle est comme on dit la solidarité féminine. Et Aïcha a décrit la situation et la partie de son corps qui était touchée ou marquée. Lorsque son époux a entendu qu'elle est partie se plaindre de lui, lui-même est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a su qu'elle s'est dirigée vers le prophète alayhi salatu wasalam pour se plaindre, il est parti pour argumenter, pour plaider sa cause. Et il est venu avec deux de ses enfants. Il est venu avec deux de ses enfants. Qui ne sont pas de cette femme-là. Des enfants qu'il a eus de précédents mariages. Il a dit, ou plutôt, elle a dit une phrase de laquelle on comprend, il n'a pas de péché ou il n'a pas de mal, il n'a pas fait de mal. Si ce n'est, puis elle a pris, akramakumullah, elle a pris son vêtement, et c'est comme si elle avait fait ça. Elle a laissé sortir un petit bout de son vêtement. Elle a dit, il a que ça. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'avoir des rapports sexuels. Elle a dit, c'est ça que je reproche. Qu'a dit Abdurrahman? Kadabat wallahi ya Rasulallah. Il a dit, par Allah, elle ment au messager d'Allah. Puis il a dit qu'il était complètement capable d'avoir des rapports. En utilisant l'expression. Inni la anfuduha nafdal adim. Walakinnaha nashiz. Naam. Vous regarderez la traduction du hadith. Turidu rifa'a. Puis il a dit, elle veut rifa'a, elle veut revenir à son ancien mari. C'est ça la vraie raison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est al-shahid dans le hadith, la partie témoin dans le hadith, فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ. Si c'est en effet ce que tu recherches, alors tu ne lui es pas licite. alors tu ne lui es pas licite. Sache que tu ne lui es pas licite. لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. Rasulallah a dit, tu ne lui es pas licite, c'est-à-dire l'ifa'a, tant que ce dernier, c'est-à-dire ton nouveau époux, n'a pas goûté, et il lui a dit une expression, yani tant qu'il n'a pas consommé le mariage. Tant qu'il n'a pas consommé le mariage. Lui, pourquoi est-ce qu'il a ramené ses deux enfants? Qui a compris pourquoi? La sagesse. Pourquoi est-ce que Abdurrahman est venu avec deux de ses enfants? Pour montrer qu'il était capable d'avoir des rapports. Et qu'avant elle, il a eu des enfants. Donc c'est qu'il était capable. Car on verra que parmi les causes, dans les défauts qui rendent licite l'annulation du mariage, du côté de l'homme ou du côté de la femme, c'est le fait de ne pas avoir la capacité d'avoir des rapports, ou le fait de pas, d'avoir un défaut à la partie ou autre. Le prophète sallam, lorsqu'il l'a vu avec ses deux enfants, il lui a dit, Abanou Kahaoula, il a dit, ce sont tes enfants ceux-là? Kala na'am. Il lui a répondu oui. Puis le prophète sallam a tranché en la faveur de l'homme. Il a dit, c'est ça que tu prétends? Et tu prétends qu'il n'est pas capable? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa wallah lahum ashbahum bihi min al-ghurab bil-ghurab. Et a dit, ses enfants ressemble encore plus à Abdurrahman, qui est donc leur père, que Mada, le corbeau, ressemble au corbeau. Naam. Donc ce hadith est le hadith de Ikrimah Mawla ibn Abbas, et il est dans le Bukhari, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on a lu ce long hadith rempli de science? Naam. Pour prouver que parmi les femmes interdites, il y a celle que l'homme a divorcée à trois reprises, tant qu'elle n'a pas consommé le mariage avec son nouvel époux. Non. Puis si par la suite, il y a un décès ou un divorce, le premier, tout comme les autres, pourront la demander en mariage. D'où l'importance de préserver la langue face au divorce. Il faut faire très attention parce qu'arriver au troisième divorce, les conséquences sont très graves, sont très lourdes. Le premier d'ailleurs, le deuxième, mais le troisième, ça peut être irréversible. Non. Et il se peut que la femme souffre énormément et n'ait pas prévu le déroulement. Il se peut aussi que l'homme souffre énormément et n'ait pas prévu le déroulement. Et peut-être que vous connaissez l'histoire de... Et parfois, ce n'est pas du ressort de l'homme ou du ressort de la femme. Mais l'un des deux va souffrir énormément. Comme dans l'histoire de Barira et de Mourith. Qui connaît l'histoire de Barira et de Mourith? Allahu Akbar. C'est une histoire bouleversante. Chez Sahaba radiallahu anhu, Barira était affranchi. Et lorsque cette situation se passe, on donne le choix à la femme. Soit elle annule le mariage avec l'ancien époux, soit elle dit je reste avec lui. Na'am. Elle a décidé l'annulation. Et Mourith l'aimait énormément. Il l'aimait intensément, énormément. Par la suite, lorsque le prophète les a séparés, selon la réponse de Barira, radiallahu anha, Mourith a été terriblement affecté. Parce qu'il l'aimait éperdument, mais elle ne l'aimait pas. Subhanallah. Et c'est Allah Azza wa Jal qui donne comme rizq dans les cœurs et le hub. Subhanallah. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Tellement elle l'aimait, et tellement elle ne l'aimait pas, elle n'a pas voulu revenir avec lui malgré sa souffrance et sa douleur. Qu'a fait Mourith? Il est parti chercher le prophète alayhi salatu wa salam pour qu'il intercède en sa faveur. Quand le prophète alayhi salatu wa salam l'a vu dans cet état, il est parti voir Barira et il lui a demandé de retourner à Mourith radiallahu anhu. Regardez la soumission de sahaba. Vous savez ce qu'elle a répondu? Allahu Akbar. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, ata'mur fa sam'an wa ta'a. Fa illa la hajata li. Regardez la soumission qu'avait Sahaba radiallahu anhu. Vous savez ce qu'elle a répondu la femme? Elle lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est un ordre? Alors dans ce cas-là, j'écoute et j'obéis tout de suite. C'est même pas la peine de me demander mon avis. Si c'est un ordre d'Allah ou de son messager, c'est pas discutable. On est des croyants. C'est comme ça qu'elle a répondu. Allahu Akbar. Na'am. Ça, c'est la soumission de Sahaba radiallahu anhu. Et la réponse à l'appel d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, par contre, si c'est simplement une orientation, ou c'est simplement une demande, c'est pas un jugement religieux, elle a dit, j'ai pas besoin de lui, je ne veux pas. Alors, pour ça, elle m'a dit, non, moi, juste, je t'oriente. Elle a dit. Par la suite, Maurice marchait derrière elle. Et il l'a supplié de revenir. Et il marchait derrière elle au marché, et ainsi de suite. Et il souffrait, il pleurait même. Probablement. Mais elle ne l'aimait pas. Elle n'est pas revenue. Cet exemple pour dire, il se peut qu'un homme aime éperdument une femme ou qu'une femme aime éperdument un homme. Donc celui qui a le talaq dans la main, c'est l'homme, il doit préserver cette langue. Et ne le prononcer que lorsque c'est sage de le prononcer ou lorsqu'il est jad, yani, il a bien étudié la situation ou il a demandé conseil et ainsi de suite. Ça, c'était le quatrième cas, n'est-ce pas? Parmi les femmes interdites au mariage, al-muhrima, celle qui est en état d'ihram, pour l'umra ou bien pour le hajj. Vous savez tous que celui qui souhaite faire l'umra ou bien le hajj doit se mettre en état d'ihram, ou miqat, ou bien en passant par le miqat, n'est-ce pas? Et celui qui est en état d'ihram et celle qui l'est n'a pas le droit de contracter un mariage. Ça, c'est pour la umra. Qu'en est-il du hajj? Celui qui est en état d'ihram. Hein? C'est pareil. Jusqu'à la fin du hajj. Taïb, celui qui va au hajj avec son épouse, est-ce qu'il a le droit d'avoir des rapports avec elle ou pas? Non? Jusqu'à la fin du hajj. On va attendre que certains se marient, on va réétudier la mas'ala, inch'Allah. À la kulli hal, il y a ce qu'on appelle le tahallul. Il y a un tahallul qui est partiel, c'est comme s'il sortait partiellement de l'état d'ihram. Puis il y a le tahallul al-thani, lorsqu'il a fini certaines actions, son épouse lui hésite, alors qu'il n'a pas fini encore le hajj. Alors qu'il n'a pas encore fini le hajj. Les sahabas radiallahu anhum avaient des rapports avec leurs épouses alors qu'ils n'avaient pas encore fini le hajj. Et certes, Allah Azza wa Jalla n'a pas honte de la vérité. Et dans le hadith d'Uthman radiallahu anhum, la yankihu al-muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Donc celui qui est en état d'ihram ne doit pas se marier, ne doit pas être marié, ne doit pas faire de demande apportée par l'imam muslim. Et l'aqd, si le mariage est contracté, alors il est bâti, il est caduque. Alors il est caduque. Puis il y a une divergence entre les savants. À quel moment a lieu cela? S'il a lieu après certains événements, certains disent que c'est valable, dans le cas contraire. Non. Cela est fondé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha halaqtum, faqad halalakum kullu shay. Illa Nisa. Non. À partir de Mahmoud. Donc est-ce que l'aqd rentre dans cela ou non? De là, il y a la divergence. À la kulli hal, le conseil qu'on donne, c'est de prendre la précaution. De ne pas contracter même après tahallul. Bien que certains parmi les grands savants disent qu'après tel événement précis, il a le droit aux femmes, donc au mariage. Et certaines femmes, je ne vais pas dire dues à la pudeur, mais plutôt dues à la honte, parce que la pudeur n'est que louable, ont leur menstrue pendant l'umra ou l'hajj. On va citer l'exemple de l'umra. Elle se met en état d'ihram, En chemin vers Mecca, là, c'est monstrueux. Elle a honte de le dire à son père ou son frère. Elle est gênée. Alors elle ne le dévoile pas. Et elle reste avec eux comme si de rien n'était. Puis ils repartent. Vous me suivez? Donc elle fait la Amra alors qu'elle elle est comment? Elle est ha'ir. Est-ce qu'elle peut faire le tawaf ha'ir? Non. Quel est le jugement de ce tawaf? Hein? Il est batil. Donc quel est le jugement de cette Amra? Elle n'a pas pour l'instant, elle n'a pas fini sa Amra. Pour finir sa Amra, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'elle finisse ses menstrues. Elle se lave, elle va faire son tawaf, elle fait sa'i, elle se coupe Mada, une mèche. Elle, par honte, elle n'a pas révélé cela. Elle est restée avec eux, elle a fini avec eux. Puis ils ont voyagé, ils sont revenus dans leur pays. Que se passe-t-il? Durant la Amra, il y avait une autre famille qui a vu sa famille, qui a apprécié sa famille. Il a vu en elle une potentielle épouse pieuse. Alors de retour, il la demande en mariage. Naam, le père accepte, la fille accepte. Il contracte le mariage. Cette femme-là, quel est le jugement de son mariage? Il est batil. Pourquoi? Parce qu'elle est muhrima encore. Elle est encore en état d'ihram. Pourquoi? Elle n'a pas fini sa amra. Elle n'a pas fini sa amra. Elle est encore en état d'ihram. Donc, subhanallah, les conséquences de ne pas poser la question, les conséquences d'avoir une honte blâmable qui empêche de questionner sur sa religion. La pudeur, c'est louable. Mais d'avoir une honte qui empêche de questionner en cas de besoin ou de dire ce qu'il faut lorsqu'il le faut, ça c'est blâmable et c'est une faiblesse. Quoi qu'il en soit ici, elle doit retourner, faire son tawaf, sa'i, couper la mèche, et ma'adha, à ce moment-là elle sort de son état d'ihram, et il faut refaire le mariage. Il faut refaire le mariage. Il y a d'autres cas encore. Passons directement au chapitre Babu Ash-Shuruti wal-Uyubi fi nikah. Le chapitre des conditions et des défauts dans le mariage. Pourquoi est-ce que les fuqaha, les savants de la jurisprudence, ont uni entre les conditions et les défauts? Parce que les défauts, c'est ce qui vient annuler la condition ou l'affecter. C'est lorsqu'il manque une condition. Il y a ce qu'on appelle shurutun nikah, les conditions du mariage, comme l'agrément de l'homme, de la femme, comme madha, le wali. Et il y a shurutun fin nikah, des conditions dans le mariage. Notez les différences. Il y a plusieurs différences qu'on va résumer ainsi. Shurutun nikah هي التي وضعها الشارع وصحة العقد تتوقف عليه. شروط النكاح, les conditions du mariage, sont des conditions que le législateur a mis. C'est-à-dire qu'on trouve cela dans le Coran et la Sunna, dans le Coran et la Sunna. Deuxièmement, l'authenticité du mariage est conditionnée par cela. L'authenticité du mariage est conditionnée par celle-ci. C'est-à-dire que ces conditions-là, si elles venaient à manquer, le mariage ne serait pas authentique. Sihatul nikah mutawaqqifatun 'alayha. L'authenticité du mariage en dépend. Troisièmement, la yumkinusqatuha. Troisièmement, on ne peut pas les faire tomber. Ces conditions-là, on ne peut pas les enlever comme on veut. Par exemple, il veut telle femme. Naam. Parce qu'il l'a fréquentée dans le haram. Parce qu'il est parti sur des sites sales d'internet. Au final, son cœur s'est attaché à elle. Alors après avoir fini, il veut reprendre par le début, c'est-à-dire la demande en mariage. Son père lui dit non, parce que tu n'es pas une bonne personne. Alors lui, il dit, son père c'est un raciste, alors il n'y a plus de wali, moi je ramène mon ami, ou j'appelle quelqu'un pour essayer de le tromper et je l'épouse. C'est valable ce mariage ou pas? Hein? C'est pas valable. Est-ce que ça existe ce que j'ai cité ou bien c'est dans les contes anciens? Ça existe ou pas? Oui, bien sûr que ça existe. Non, ça existe. Lorsqu'il a fait d'elle sa passion, en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voyait et le surveillait. Hein? Il est tombé dans ça, iyadhan billah, ça existe. Certains même essayent de te prouver que le père c'est un raciste. Non? Tu lui dis, mais il est blanc comme toi. Non mais. Yani, il va argumenter mieux que Vergès. Non? Ou Moretti. Vous connaissez Dupont Moretti? Voyez. Et yani, que les ceux qui sont très forts au barreau dans l'argumentation dans leur domaine. C'est pas comme ça que tu arriveras à tes fins. Pour arriver à tes fins, il faut suivre ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Parce que c'est Allah qui donne. C'est Allah Azza wa Jal qui accorde. On a cité dans la définition, un premier point. Un deuxième. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas les faire tomber comme on le veut. Alors que shurut fil nikah, alors que les conditions dans le mariage, الواضع لها العاقد نفسه. Celui qui met ces conditions-là, c'est pas Allah, c'est pas son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est celui qui contracte le mariage lui-même. Est-ce que vous avez compris? Non? L'homme se marie, il dit je conditionne que la femme ne dépasse pas tel âge. Si on lui amène une femme qui a dépassé cet âge-là, il est en droit d'annuler le mariage. Parce que sa condition n'a pas été respectée. Vous comprenez? La femme dit, je conditionne de ne pas changer de maison, de pays. Lui, il veut la faire déménager. Elle a le droit d'annuler le mariage. Pourquoi? La condition n'a pas été respectée. Cette condition, est-ce qu'elle est dans le Coran, dans la Sunna? C'est une condition du législateur? Non, c'est une condition de celui qui s'est marié ou de celui qui a fait le mariage. Vous avez compris? Donc ce sont des conditions que les acteurs du mariage eux-mêmes ont posées. Ça, c'est la première différence. Alors que les conditions qu'on a mentionnées au préalable, c'était quoi? Ou précédemment, c'était quoi? C'est le législateur, c'est le dîn qui a mis ces conditions-là. Ça, c'est la première différence. Deuxièmement, la deuxième différence, يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا لُزُومُ النِّكَاحِ. On rattache à cela la pérennité du mariage et non pas l'authenticité. C'est-à-dire que si cette condition n'est pas respectée, la personne est en droit de faire annuler le mariage. Mais est-ce qu'il était authentique le mariage à la base? Oui. Alors que dans le premier cas, il n'est pas valable le mariage. S'il manque le wali, par exemple, pas valable. Là, il est valable, mais au moment où la condition n'est plus respectée, l'acteur qui a mis cette condition est en droit de faire annuler ce mariage. Est en droit de faire annuler ce mariage. Le troisième point qui marque la différence, c'est que celui qui a posé cette condition a le pouvoir de l'annuler. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que dès lors que la condition n'est pas respectée, le mariage est annulé. Non, mais ça revient dans sa main. Il l'a fait changer de maison alors qu'elle avait conditionné. Elle a le choix. Elle dit finalement je vais patienter, finalement je l'aime, finalement je préfère tel endroit, finalement et finalement. Ou on la raisonne, on la conseille, et ainsi de suite. Non. Puis ces conditions se divisent en authentiques et en caduques. Des conditions qui sont valables, d'autres ne le sont pas. D'autres ne le sont pas. Les conditions du mariage, c'est au moment où on fait le mariage. Mais les conditions que les acteurs du mariage fixent, il faut forcément que ça précède le mariage. Non. Si ça vient après, c'est pas valable. Il voit la femme et ensuite il met la condition. Il dit donc j'annule le mariage. On lui dit non. Si tu n'as pas mis la condition avant le mariage, tu n'es pas en droit à cela. Il met comme condition qu'elle soit belle avant le mariage. Il se marie, lorsqu'il entre auprès d'elle, il la trouve, il trouve qu'elle ne l'est pas. Non. Par contre, si le mariage, donc ça c'est l'illustration de ce qu'on a mentionné. Par contre, s'il fait le mariage et après il dit je conditionne qu'elle soit belle, et ça n'est pas le cas, là sa condition elle n'est même pas contractée, elle n'est même pas valable. Parce que ça a été fait après, ça a été dit après. Notez, al-uyoub, donc c'est le pluriel du mot aïb. Avec un aïb, pas avec un roïb. Comme les choses de l'invisible. Non, al-aïb. Al-aïb, c'est le défaut. C'est ce qui va pousser l'époux ou l'un des époux à avoir de la répulsion. Comme cela qu'on dit envers l'autre, na'am at-tanafur. Ma yujibu at-tanafur bayna az-zawjayn. Ou ce qui empêche l'un des époux de se faire plaisir dans ce mariage, au sens large du terme. Ça empêche la concrétisation d'une des sagesses et des buts du mariage. Je répète, al-uyoub, les défauts, c'est ce qui va entraîner la répulsion d'un des deux époux envers l'autre, ou de l'autre, ou bien qui va empêcher l'un des deux époux de concrétiser un but ou une sagesse du mariage. Ibn Athir, rahimahullah ta'ala, plus loin, dit qu'il va empêcher le plaisir ou sa perfection. La base dans les contrats, donc si on met une condition, la base c'est que c'est authentique. Et on ne peut dire que ça n'est pas valable tant qu'il n'y a pas de preuve. Car dans Surah Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jalla nous dit « Ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud » Ou vous qui avez cru, acquittez-vous de vos engagements. Et dans Surah Al-Isra, « Wa awfu bil'ahd, innal ahda kana mas'oula » Et acquittez-vous de vos engagements, car certes, sur cela vous serez interrogés. Ça c'est dans Surah Al-Isra. Et dans le hadith « Al-Muslimun ala shurutihim » On prend le croyant selon ses conditions. Le mada, les musulmans sont selon leurs conditions. Illa shartan, ahalla haraman ou harrama halanan. Si ce n'est une condition qui vient pour rendre licite un interdit ou illicite une chose licite. علقه البخاري وصله أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله. Et celui qui accepte les conditions du mariage est dans l'obligation de s'y tenir. Est-ce que c'est obligé de respecter les conditions? Est-ce que c'est recommandé simplement? C'est obligé parce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné cela. Et dans Bukhari Muslim, il y a un hadith très important dans ce sujet. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit « Inna ahaqqa shurut » Écoutez bien « Inna ahaqqa shurut » أنتوفوا به ما استحللتم به الفروج. Les conditions qui nous incombent le plus de respecter, de s'en acquitter, sont celles par lesquelles nous avons rendu licite la partie. Les parties. Donc tout ce qui rend accès à la femme et la femme à l'homme, ce sont les conditions qui méritent le plus d'être respectées. Celui qui veut pousser ses études notera que les conditions dans le mariage pas les conditions de, les conditions dans le mariage, c'est-à-dire on se marie, on dit, il y a les conditions de mariage, ça se dit plus en français. Naam, il y a trois types, les conditions que mettent l'homme ou bien la femme. Il y a trois types de conditions. Naam. Premièrement, sahiha, c'est authentique. Deuxièmement, fasida, caduque. Ou amufsida, la condition, elle est fausse, elle est batila, elle est caduque et en plus elle invalide le mariage. Elle est fasida et mufsida. Et le troisième cas, elle est fasida, reyu, mufsida. La condition, elle est fausse, mais ça n'annule pas le mariage. Donc soit la condition est bonne, soit elle est mauvaise et en plus ça annule le mariage, soit elle est mauvaise mais elle n'invalide pas le mariage. Le premier exemple, la condition qui est valable. Elle se marie et elle dit, je ne veux pas quitter tel pays. Naam. Lui, il se marie en Algérie, par exemple. Elle dit qu'elle accepte le mariage, mais elle met comme condition de ne pas sortir du pays. Alors, il pourra l'emmener n'importe où dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant qu'il n'a pas dépassé la frontière. Dans le cas où il l'a fait déménager en dehors du pays, même à 1 mètre, même à 50 cm, elle sera en droit de demander l'annulation du mariage. En arabe, on dit al-fasr. Al-fasr. Un fa, un sin, un kha. Donc, c'est quoi l'avantage, si on peut dire ainsi, c'est quoi la sagesse de mettre une condition? C'est une fois qu'elle n'est pas respectée, la personne a dans sa main la capacité d'annuler le mariage. Sans passer par Mada, la partie qu'on considérerait ici administrative, les difficultés, les négociations, l'accord de l'autre et ainsi de suite. Donc que se passe-t-il si le conjoint ne respecte pas la condition? Est-ce que ça annule directement le mariage? Non. Mais revient dans la main de la personne qui avait mis cette condition le droit de poursuivre ce mariage, mais aussi le droit de l'annuler. Mais aussi le droit de l'annuler sans avoir recours au juge. Sans avoir recours au juge. Dans le cas où c'est le père qui a posé cette condition, le père de qui? De la mariée. Naam, ça va de soi. Mais pas chez tout le monde. Hein? Certains, même le père du marié, il met des conditions. Allahu Akbar. Certains sont mariés, mais ils ne commandent pas. Naam, sont mariés, mais ils ne commandent pas. Taïb, le père dit, tu te maries avec elle, mais tu n'as pas le droit de voyager avec elle. Tu te maries avec elle, mais tu n'as pas le droit de voyager avec elle. Dans le cas où il voyage, que se passe-t-il? Il a fait le mariage, il y a eu la noce, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et un jour, il voyage. C'est quoi le jugement? Hein? Ça revient à la main de la femme. Ça revient dans la main de la femme. Parce que c'est le parti de la femme, ça doit être pour sa maslaha à elle, son intérêt à elle. Donc si elle, Naam, elle veut voyager, la femme elle veut voyager ou pas? Il n'y a pas de divergence là. Hein? La femme elle veut voyager. Là elle ne va pas dire non mais mon père, ceci, cela. Elle va dire t'es un homme ou pas? Donc, il voyage avec elle, le père avait dit non. Naam, il voyage avec elle. Là, ça revient à la femme. Naam, là, ça revient à la femme. À partir du moment où il est marié avec elle et il l'a donc chez lui, naam, la femme est dans son droit de faire tomber cette condition. Est-ce que c'est compris? Ça revient à qui au final? Yani, lui, quand il parle, le père à la base, c'est pour l'intérêt de qui? De la femme, de sa fille. Donc, ça revient dans sa main au final. Elle est en droit de faire tomber cette condition. Elle est en droit de faire tomber cette condition. Non. Un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qui illustre la condition qui est fausse et qui en plus invalide l'authenticité du mariage. Le père lui dit, Zawajtuka benati, je te marie ma fille une telle. Limuddati kada wa kada, pour telle durée. Pour telle durée. Ou tant que tu habites ici. Si tu déménages, elle est divorcée. Est-ce que cette condition est valable? Elle n'est pas telle là, cette condition. Elle est fausse. Elle est caduque et elle invalide le mariage. Ce n'est pas valable. On doit rediscuter et se mettre d'accord. Mais cette condition-là, non, ce n'est pas valable. L'homme n'a pas à dire oui. Il se dit, je dis oui, de toute façon, je ne vais pas respecter, mais au moins j'aurai accès à cette femme que je souhaite. Non, le mariage n'est pas valable. Parce que cette condition-là est barre, et là, elle invalide l'authenticité de ce qu'il recherche ici. Parce que ça ressemble à quel type de mariage? Al-Muta'a. Vous savez ce qu'est Nikah Al-Muta'a? C'est le mariage arrangé pour un temps déterminé. C'est le mariage arrangé pour un temps déterminé. Soit entre les deux épouses, soit il s'est arrangé lui avec son shaitan, l'homme lui-même. Vous avez compris? Il dit, je vais l'épouser pour, par exemple, j'étudie en France, par exemple la médecine, je reste ici 5 ans, ben je me marie et après les 5 ans, je jette la femme. Et je repars. Vous avez compris? Ou, il va voir la personne, il se met d'accord avec elle, pendant un an, elle se marie, ensuite chacun il fait ça. Non, ça c'est haram. Ça s'appelle nikah al-muta'a, c'est pas vrai. Ça n'est pas valable. Naam, ceci a été abrogé, c'est illicite. Le Prophète a dit, inna haram ila yawm al-qiyam. C'est haram jusqu'au jour dernier. C'est haram jusqu'au jour dernier. Qui est-ce qui a contredit les musulmans dans cela? Quelle secte égarée? Al-Rafida. Al-Rafida, eux, pour eux, c'est permis. Naam. C'est comme s'ils s'étaient mis d'accord pour réunir tous les cancers du monde et les mettre dans leur mouvement. Ayyad al-Billah, comme l'insulte des compagnons, comme la diffamation des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'insulte d'Abu Bakr Omar, comme le shirk, comme l'adoration des tombeaux, des saints, comme subhanallah, kullul balafi. Les mots, on dirait qu'ils sont unis chez eux. A'udhu billah. Rafida sont ceux qui insultent les sahaba. Naam, ceux qui insultent les sahaba radiallahu anhum. J'en trouve en Iran, j'en trouve dans une région du Yémen, j'en trouve yani dans d'autres endroits. Iyadan billah, ils détestent les sahaba radiallahu anhum et ils prétendent aimer la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Ils insultent certaines des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Pour eux, les pires sont Abu Bakr et Omar. Subhanallah. Et ils disent que la plupart de sahaba, écoutez bien, sont sortis de l'islam après la mort du prophète, alayhi salam. Et ils disent que certains de leurs saints ont un rang plus élevé que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres paroles de mécréance, pires les unes que les autres. Donc ce mariage-là, le muta'a, n'est pas licite. Un autre exemple, un homme a divorcé, ou bien une femme a été divorcée par 3 reprises. Un homme la demande en mariage par la suite. Elle accepte, mais dit, une fois que le mariage sera consommé, un mois après, tu me divorces. Un mois après, tu me divorces. Et l'homme dit oui. Naam. Le but étant qu'elle revienne au premier lieu. Quel est le jugement de ce mariage? Il est bâté. il est caduc. Naam, c'est un chart fasidun mufsid. C'est une condition qui est caduque en soi et qui invalide l'authenticité du mariage. Comment est-ce qu'on appelle ce mariage? Nikah al-tahlil. Le mariage qui vise à rendre à nouveau licite une femme à l'époux précédent. Et le but du mariage est que ça dure. Si par la suite l'homme décide de divorcer, mais au moins il n'a pas eu cette intention au moment où il s'est marié. Il y a une grande différence entre les deux. Celui-ci a été surnommé, subhanallah, le mâle qu'on loue. Et le mâle parmi les animaux, des fois lorsque on veut faire se reproduire les animaux, n'est-ce pas qu'on va, on va louer par exemple un cheval pour qu'il monte une jument. Vous comprenez ce que je veux dire? Le prophète l'a appelé lui là Tays al-Musta'ar. Cet homme là qu'on utilise comme ça, hein, a été appelé ainsi. Et le hadith est dans le recueil d'Ibn Majah selon Uqbat ibn Amr radiallahu anhu. C'est un grand péché. Parce que le prophète les a maudits. La'an Allah, ou la'an Nabi Sallam al-Muhallil ou al-Muhallallah. Allah a maudit l'homme qui vient épouser la femme et consommer pour rendre licite cette femme à nouveau à son ancien mari. Na'am. Et celle pour qui on a fait cela. Et malgré tout ce stratagème, elle ne sera pas licite au premier. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit innamal a'malu bin niyyat. Pourtant ça n'est pas classé dans zina, ça n'est pas classé dans la fornication. Notez hukm an-nikah al-mu'allaq. Quel est le jugement du mariage qui est rattaché à une condition? Je te marie la fille à condition de. Naam, toutes ces formulations. Ibn Asim rahimahullahu ta'ala nous dit fi tafsil, ça dépend. Ibn Asim rahimahullahu ta'ala nous dit fi tafsil, ça dépend. Le simple fait de rattacher à une condition, ça ne rend pas valide le mariage. Il dit par exemple, je te marie ma fille si le mois de Rabi' al-Awwal arrive. Lui dit Kabilt. Est-ce qu'arrivé au mois de Rabi' al-Awwal, il est marié, ça y est, il peut prendre la fille? Non. Là, ça n'est pas bon. Par contre, si c'est pour une sagesse connue, voulue plutôt, il dit par exemple, Zawajtuka binati in radiya akhi. Il a un grand frère qu'il respecte et ainsi de suite. Naam. Ou bien c'est des soninkés et la coutume. C'est que c'est le frère. Naam. C'est le frère qui gère la nièce. Naam. Elle ne parle pas trop de mariage avec le père. C'est son oncle qui va décider. Et ça, yani, ainsi, eux, leurs liens de parenté sont forts. Et ils sont maintenus. Comme ça, pas de fitna à l'intérieur du foyer. Enfin, à l'intérieur de la famille. Il lui dit, Zawajtuka in radiya akhi. Je te marie à condition que mon frère accepte. Non, là, ça sera valable. Là, ça sera valable. Dans le cas où il dit Zawajtuka binati hadi, insha'Allah. S'il rattache cela à la volonté d'Allah, c'est quoi le jugement du mariage? Là, c'est valable. S'il l'épouse, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu. C'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Ou il dit je te marie celle-ci, si c'est ma fille. Et tout le monde sait que c'est sa fille. Là, c'est comme s'il décrivait la réalité des faits, des choses. Donc, ce genre de parole, le mariage sera valable. Il peut aussi rattacher ce mariage à la disparition d'un empêchement. Je lui dis, par exemple, je te marie ma fille si sa idda est terminée. Si sa idda est terminée. Naam, ceci est valable. Dans le cas où la femme dit par exemple j'accepte le mariage à condition que tu me donnes telle et telle chose. Na'am. À condition que tu me donnes telle et telle chose. Et lui, il accepte. Est-ce que c'est valable? Et il dit, j'accepte le mariage à condition qu'en plus de la dot, tu me donnes un appartement. Et un voyage. J'ai oublié l'exemple. Yudrabbi al-Mathal. Dites-moi un endroit magnifique, un pays musulman. Aux Maldives. Vous le connaissez mieux que moi. Hein, je ne voyage pas. Donc, elle demande 10 000 euros plus un voyage aux Maldives et un appartement. Est-ce que c'est valable ou pas? Oui ou non? Déjà, vous, vous acceptez pas, ça se voit sur votre visage, même avec le masque. Non. Donc, c'est valable ou c'est pas valable? On ne vous demande pas d'accepter là tout de suite, hein, il n'y aura pas de mariage. Mais est-ce que c'est valable, shara'an, ou pas? Oui, c'est valable, s'il accepte. C'est rattaché à sa poche, il décide de, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire de sa poche. Na'am, bien que là, il en faut beaucoup. Donc, s'il accepte, c'est bon. Elle lui dit, j'accepte à condition, na'am, elle lui demande une chose qui nuit à sa mère, qui nuit à la mère de l'époux. Hein? Ça, c'est un exemple qu'on n'aurait jamais cité avant. Mais aujourd'hui, c'est possible. Certains choisissent la femme devant la mère. Sahulala. Avant, il prend la femme, il la divorce, ça aide d'aller approche, yani lorsque c'est terminé, elle rentre chez ses parents. C'est impossible, impossible qu'il se pose la question sur un choix à faire entre une mère et une épouse. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc là, la question est, la mère, ou l'épouse plutôt, lui dit, j'accepte le mariage, mais, par exemple, tu vas faire déménager ta mère à, et aller dans tel pays, comme ça, elle ne nous dérangera pas. Ou ce genre de parole khabitha. Non. Quel est le jugement de cette condition? C'est haram. Pourquoi? Parce qu'elle nuit au droit d'un autre. Elle nuit au droit d'une tierce personne. Non. Ou elle dit, j'accepte le mariage, mais à condition que tu ne dépenses pas pour moi. À condition que tu ne payes pas le loyer, par exemple. Est-ce que c'est valable? C'est-à-dire, elle s'enlève des droits. C'est valable ou pas? C'est valable parce que ça, c'est dans sa main à elle. Et quand le droit est dans ta main à toi, tu es libre de le garder ou de le faire tomber. Mais il convient en ce genre de situation qu'elle consulte son père, qu'elle consulte des gens. Na'am. Car l'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue, et elle aura déjà mis la condition. Na'am. Elle aura déjà mis la condition. Entre les deux, il y a les verres correcteurs. Na'am. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, a mentionné beaucoup d'exemples. Il a cité l'histoire de Saouda, radiallahu anha, qui a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle laissait sa nuit pour Aïcha, radiallahu anha. Na'am. Ainsi, elle restera fi ismati, ou bien elle restera à l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Elle dit, j'accepte le mariage, mais je veux garder... je veux deux appartements distincts. Hein? Et tu viens, par exemple, que la semaine ou que le week-end. Vous avez compris ce cas-là? Elle accepte le mariage, mais elle ne veut pas qu'il soit trop là, tout le temps là. Non? Parce qu'à la base, il va être là, c'est chez lui. Ça. Mais elle ne veut pas. Est-ce qu'on peut imaginer ce cas-là ou pas? Ou bien vous avez trop bonne opinion de vous-même. Hein? Certaines ne n'oseront jamais le dire, mais elles souhaiteraient des vacances. Tout comme certains souhaitent des vacances, mais ils n'oseront jamais le dire. Ibn Athaymin donne des exemples. Il dit, c'est une responsable C'est une enseignante. Elle a un poste à charge, à responsabilité. Donc, elle ne veut pas qu'on lui prenne tout son temps. Alors, elle met ces conditions-là. S'il accepte, c'est valable. S'il accepte, lui, c'est valable. Ils se mettent d'accord sur ce point. Et les conditions, il faut les écrire en présence des témoins. Il faut signer. Où sont ceux qui disent « Non, mais il ne me fera jamais. » Celle qui disait « Mais il ne fera jamais ça. » Ça, c'est quand tout va bien, il ne fera jamais. Ou elle, elle ne fera jamais ça. Incha'Allah. Na'am, sans dire Incha'Allah, bien sûr. Puis lorsqu'il y a les problèmes, Subhanallah, je ne pensais jamais qu'elle... Jamais j'aurais pensé qu'elle pouvait faire ça. Jamais j'aurais pensé qu'il pouvait faire ça. Na'am, c'est pour ça qu'il faut écrire. Na'am, t'auras plus à penser. Tu n'auras plus à penser. Na'am. Je vais vous donner un exemple. Un couple se plaint. L'homme a 4 appartements. Na'am. Il a fait venir cette épouse d'un pays. Allahu a'lam si elle savait lire, écrire, et ainsi de suite. Quand il y a eu des problèmes, na'am, quand il y a eu des problèmes, elle lui a réclamé des choses. Il lui a dit, tant que la idda n'est pas finie, donc elle a demandé le divorce, elle a divorcé, ensuite il y a eu la idda, tant que la idda n'est pas finie, on va faire comme c'est dans le dîn. C'est-à-dire que je t'entretiens, et ceci et cela. Quant aux enfants, je les entretiens à vie tant qu'Allah Azza wa Jal me permet. Elle a dit non. En France, la femme a le droit à la moitié des biens de l'époux ou bien du conjoint s'il n'y a pas eu de contrat de mariage. Vous avez compris ou pas? Celui qui se marie pauvre, fais pas attention. Non. Celui qui aspire à être riche, il est aveuglé. Non. Mais quand il arrive dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il dit? Que n'eus-je contracté ce contrat de mariage? Mais lui, il se dit quoi? La honte, je lui demande de faire le contrat de mariage, c'est comme si je n'avais pas confiance, c'est comme si... C'est pas question de lui faire confiance ou pas lui faire confiance. Et confiance en Allah, n'est pas confiance au shaitan. Il ne s'agit pas d'elle. Mais où peut l'emmener shaitan? Tu es loin de l'imaginer. Certains ont tué leurs parents pour avoir leur héritage plus rapidement. Vous imaginez ça ou pas? Ils ont assassiné ceux qui les ont mis eux au monde pour se presser d'avoir l'héritage qui devait venir dans tous les cas, tôt ou tard. Non, lui, il ne veut plus attendre. Non. Subhanallah. Ces faits divers, ces faits cauchemardesques, ils existent. S'ils ont pu le faire pour leurs propres parents, l'époux a plus forte raison. Non. Avec sa propre main, peut-être même. Non. Wallahu al-musta'an. Ala kulli hal. Cette condition est valable. Si elle dit, j'accepte le mariage, mais je me laisse le choix de me rétracter par la suite pendant un mois, est-ce que c'est valable ou pas? Hein? Elle dit pas le mariage pour un mois. Elle dit, on se marie, mais je mets comme condition la possibilité de me rétracter durant un mois. Ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, dit, c'est valable. Pourquoi? Fi 'aradun sahih, parce qu'il y a une sagesse, un but qu'on peut comprendre et qui est authentique. C'est quoi? Par exemple, elle a entendu parler de cet homme. Il est bien, il est comme ça, mais il a un passé. Il a un passé, il était violent. Il a un passé, il consommait telle drogue. Ou sa famille est connue pour être méchante et pour opprimer les belles filles, et ainsi de suite. Elle est connue pour faire du bizutage. Hein? Allah al-musta'an. Ou elle est connue pour prendre la belle fille en esclave dans le foyer, et ainsi de suite. Elle voit en apparence où l'homme est arrivé aujourd'hui que c'est un bon parti. Mais elle craint qu'en le connaissant de, et en vivant avec, elle subisse, ou bien qu'il retourne à son passé, ou bien qu'elle subisse ce qu'elle a pu entendre en se renseignant. Donc elle met ce délai-là. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, nous dit que c'est valable. Et dans le cas où il se produit quelque chose ou qu'elle veut se rétracter, elle pourra annuler le mariage. C'est valable à condition que l'époux accepte. Ça, c'est ce qu'on appelle shartul khiyar, la condition de la, du choix. Dans le cas où l'époux conditionne, فشرطها بكرا فوجدها ثيبة. Dans le cas où l'épouse conditionne que la femme soit vierge, et par la suite, il s'avère qu'elle a déjà été mariée, ou du moins qu'elle ne l'est plus. Est-ce qu'il est en droit d'annuler le mariage? Oui, parce qu'il a conditionné cela. Dans le cas où il a consommé le mariage, doit-il donner la dot malgré tout? Oui, il doit donner la dot, mais la dot incombe à celui qui l'a trompé, à celui qui lui a dit cela alors que ça n'était pas le cas. Vous comprenez? Donc celui qui devra payer la dot, ce ne sera pas l'époux lui-même, mais celui qui l'aura mal orienté. Dans le cas où il n'a pas conditionné cela, alors il n'est pas en droit d'annuler le mariage. Non. On parle bien d'annulation, de fasr, pas d'autre chose. Et dans le cas où il conditionne qu'elle soit belle, et ensuite le jour où il rentre auprès d'elle, elle ne l'est pas, est-ce qu'il a le droit d'annuler le mariage? Il a le droit d'annuler le mariage. Ibn Athaymin dit, reste à savoir c'est quoi une femme belle. Elle est qui va juger qu'elle est belle ou pas? Lui, il dit elle n'est pas belle. Et elle dit je suis belle. Hein? C'est qui l'emporte? Hein? L'homme. Taïb. Et par exemple, on dit on va demander à la mère de la fille. C'est valable ça ou pas? Ibn Hassim, il dit surtout pas. Il dit pour la fille, pour la mère, chacune de ses filles, yani pour toute mère, sa fille, yani il a dit c'est une raza là, c'est une gazelle, yani c'est comment dire ça? Elle est magnifique. Pour chaque mère, sa fille est magnifique. Naam. Or que, yani, on s'est compris. Donc, Ibn Hassan rahimahullah ta'ala dit, s'il y a une divergence, alors on va revenir au jugement des femmes fiables, intelligentes, et ainsi de suite. Il dit même qu'il y a celle qui sera qualifiée de belle, celle qui sera qualifiée du contraire, et il dit entre les deux, il y a une catégorie. Et de là, il donne la conclusion, l'importance de voir avant le mariage, avant son acceptation, celle qui est demandée. Et pour finir, notez que al-uyub, les défauts, sont de deux types. Les défauts qui arrivent au niveau de pouvoir annuler le mariage, qui rendent légitime l'annulation du mariage, et les défauts qui sont des défauts, mais qui ne rendent pas légitime l'annulation du mariage. Et parmi les choses étonnantes chez les fuqaha, c'est qu'ils ont classé les défauts. Et certains défauts que toi tu verrais immenses, eux ils disent ça ne rend pas légitime l'annulation du mariage. Même si tous ces défauts qui ne rendent pas légitime l'annulation du mariage se réunissent. Hein? À titre d'exemple, certains ont dit, donc il faut bien comprendre, les défauts qui rendent légitime l'annulation du mariage, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce défaut, il peut faire annuler le mariage. Même s'il n'a pas conditionné l'absence de ce défaut avant le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième catégorie, les défauts qui ne rendent pas légitime l'annulation du mariage, sauf dans le cas où il a conditionné son absence, l'absence de cela avant de contracter le mariage. Est-ce que ma parole est comprise auprès de vous ou pas? C'est clair ou pas? Non? Un défaut, c'est par exemple la dépigmentation. La dépigmentation. Elle n'a pas un épiderme normal, une couleur normale sur le corps. D'accord? Mais on va supposer qu'il y a des taches partout dans le corps. Vous me suivez ou pas? Lui, il va pour l'épouse. Mais il dit, moi, ça m'importe beaucoup la peau ou bien la couleur et ces choses. Je conditionne qu'elle n'ait pas tel défaut. Vous me suivez? Si on dit que cette maladie, c'est un défaut, ou il faut absolument dire je ne veux pas ce défaut pour avoir la légitimité d'annuler, alors lui, il peut annuler le mariage. Vous me suivez ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a dit la condition. Il a dit la condition. Un autre exemple, elle a des grands pieds. Des pieds très longs. Je ne sais pas c'est quoi des pieds longs pour une femme. Alhamdulillah que les femmes ne s'arrêtent pas pour la plupart à ce genre de détails. Sinon, beaucoup seraient célibataires. Donc, il entre auprès d'elle et il s'avère qu'elle a des grands pieds. Il dit, moi, je vais annuler le mariage. Est-ce que là, il peut annuler le mariage? Non, parce qu'il n'a pas conditionné cela. Or, ce défaut-là, bien qu'il puisse être classé dans les défauts, il ne fait pas partie des défauts qui atteignent le niveau de pouvoir invalider le mariage, ou annuler le mariage, plus précisément. Vous avez compris les deux catégories ou pas maintenant? C'est quoi la différence? La seule différence, c'est que s'il a mis la condition, même si le défaut n'est pas grave ou grand, ben il a le droit de d'annuler le mariage. Il dit par exemple, moi je veux des yeux verts. Il est omnubilé par les yeux verts, il veut des yeux verts. Non. Ou bien je veux quelque chose du 36. Non. Quand elle entre auprès d'elle, elle a les yeux marrons ou bleus. Elle chose du 35 ou du 38. Il dit, j'annule le mariage. Est-ce que là, il peut ou pas? Il peut. Pourquoi? Parce qu'il a conditionné. Est-ce qu'on lui recommande cela? Non. Mais est-ce qu'il peut? Il peut. Donc vous notez un exemple. Allez, avant de noter, puisqu'on va arrêter le cours, notez pas même. Certains savants ont cité parmi les défauts qui ne rendent pas légitime le fait d'annuler le mariage, elle ama, la cécité, elle est aveugle. Il entre auprès d'elle, elle est aveugle. Il dit, mais vous ne m'avez pas dit. Ils disent, mais t'as pas demandé. Hein? Il t'a pas demandé. Il dit, j'annule le mariage. Il dit, je ne peux pas annuler le mariage parce que ce n'est pas un défaut qui rend légitime le fait d'annuler le mariage. Donc tu vas donner la dot complète et ceci et cela. Et si tu veux divorcer, tu divorceras. D'accord? Ils ont dit à Saman, yani, elle est sourde. Pareil, on ne peut pas annuler le mariage. Ils ont dit al bakam, elle est muette. Al araj, elle a les jambes marquées. Et ils ont cité encore d'autres choses. Toutes ses dents sont tombées. Pareil, on ne peut pas annuler le mariage. Elle est très âgée. Pareil, on ne peut pas annuler le mariage. Puis ils ont dit, si on colle tous ses défauts les uns aux autres. Elle est sourde, aveugle, muette, elle n'a pas de dents. Esh, elle est arquée. Elle est âgée. Elle est... Est-ce que dans ce cas-là, elle épouse? On dit non. Elle est condamnée. Naam. Ça, c'est un avis. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est pas l'avis prépondérant comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il dit bien sûr qu'il a le droit d'annuler le mariage s'il y a un grand défaut, et on détaillera cela la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Je vais juste vous citer un exemple de chaque. Un exemple de défaut par lequel il peut rendre, yani annuler le mariage sans l'avoir conditionné au préalable. Il cite l'exemple du fait qu'elle n'est pas dedans. Exemple. Naam. Ou un problème de morphologie. Yani, par exemple, elle n'a pas de doigts. Naam, elle n'a pas de doigts. Elle a sa main, mais elle n'a pas de doigts. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il y a à la blâmer, elle? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Rien, nullement. La question n'est pas du tout dans ça. Elle est éprouvée, elle patiente, Inch'Allah, elle ramène Al-Jannah. Mais, qu'en est-il de l'époux qui n'a pas su cela avant? Ben, il est en droit d'annuler, parce que c'est un défaut, et on ne lui a pas mentionné. Mais on ne lui a pas mentionné. Voyez, on s'arrête sur cela. Un frère avait questionné la semaine passée dans le Muharramat si un homme est marié avec une femme, puis il la divorce. De cette femme-là, il a eu une fille. D'accord? Et Abdullah épouse sa fille. Vous suivez ou pas? Donc un homme est marié avec une femme. Cette femme a son père. Ce père-là se remarie avec une femme qui n'est donc pas la mère de cette fille-là. Vous me suivez ou pas? Dans le cas où c'est sa mère, il n'y a pas de problème. Son époux, il devient le mahram de sa mère. Vous vous souvenez? Vous me suivez ou pas? Un homme a une femme. Un homme a une femme. Cette femme-là enfante. Celui qui épouse cette femme-là, c'est quoi le jugement de la mère de son épouse? C'est son mahram ou pas? C'est son mahram. D'accord. Cette épouse-là est divorcée, le père se remarie avec une femme. Quel est le jugement de cette femme-là, maintenant? C'est plus la mère de son épouse. C'est quoi le jugement de cette femme? C'est pas son mahram. Vous me suivez ou pas? Ça n'est pas son mahram. Pourquoi? Est-ce qu'il y a les liens du sang? Ou non? Non. Est-ce qu'il y a l'alliance? Non, c'est pas avec lui l'alliance, c'est ailleurs. Al-Rida, non. Al-Mu'ala'ana, non. C'est ça les quatre causes qui peuvent rendre haram. Et celle-ci n'entre dans aucune des quatre catégories. Et ça, c'est la fatwa d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.